Je vous souhaite un très bel après-midi. Tout de suite, c'est l'heure d'Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, encore et toujours... Quand le prix du baril était au-dessus de 100 dollars, c'était fou. Le pétrole, c'est l'excrément du diable. Il existe en pratique assez peu d'exemples de pays pour qui la manne pétrolière a été une bénédiction. We are pursuing American energy dominance and by the end of this year... Oh, je vous en prie, épargnez-nous vos commentaires. Hein. 2 ou 3 litres de super, un point, c'est tout. Et le tien n'a pas la capacité de voir clair dans la comptabilité d'une grande société comme Esso. Ces acteurs financiers, c'est-à-dire ce sont des gens, ils n'ont jamais vu une goutte de pétrole. On voit ce pétrole qui sort du trou au fond. Et après, on lève la tête, on regarde autour de nous et on voit des bidonvilles qui n'ont pas d'électricité. L'importation de la benzine devient chaque jour plus difficile. Les réserves établies par la Suisse doivent être économisées. C'est une science, l'évaluation des réserves. Mais c'est une science inexacte. Nous concluons cette semaine consacrée au pétrole, à l'or noir, en retrouvant le réalisateur Jean Crépu pour son documentaire « Coup de poker sur le brut » à voir dimanche soir sur RTS2. On évoquait hier l'intérêt qu'il portait à ce dossier depuis maintenant assez longtemps, ne sachant pas forcément véritablement comment attraper, comment narrer une pareille histoire, jusqu'à ce que, d'une certaine manière, l'histoire même finisse par lui donner une résolution à cette énigme, à savoir un coût du pétrole qui avait atteint un sommet extrêmement important avant que de chuter, j'allais dire au nez à la barbe de bon nombre d'analystes, avant également qu'il ne rencontre certains analystes en minorité, tels que Alexandre Handlauer, qui, justement, le concernant, avait perçu cette histoire avant tout le monde, ce risque de la chute, cette chute étant reliée, entre autres, à la nouvelle production du pétrole de schiste réalisé aux États-Unis. J'ai fait un résumé le mieux possible, ou le moins pire possible, mais Jean Crépu, pour revenir à cette histoire du pétrole de schiste, moi, j'ai eu l'impression, en regardant comme ça, que ce dossier raconte à sa manière une histoire qui s'accélère. Parce que, à l'évidence, vous nous le disiez hier, on connaît cette chose-là depuis un certain temps. On y a un peu renoncé parce que extraire demande des moyens assez colossaux et la mise de fonds, l'investissement ne semble pas du tout rentable. Et puis une sorte de processus d'accélération de la technique, d'accélération des besoins, de transformation. Tout d'un coup, oui, là, l'histoire s'accélère. Il faut mettre ça aussi en parallèle de cette fameuse demande mondiale de pétrole qui, ici, dans l'Union européenne, n'augmente plus et commence à être à stasser, même être en baisse maintenant. Alors, c'est porté encore par une demande chinoise, indienne, qui est assez forte. Mais on nous a dit pendant des décennies qu'on allait devoir se passer du pétrole. Et comment allions-nous faire? Or, en fait, ce qui se passe, c'est finalement pas trop un peak oil comme on l'a entendu, mais plutôt un pic de la demande. Un certain nombre d'experts, et partagé d'ailleurs même par les industriels, on pense qu'à l'horizon 2030-2035, on sera dans une réelle baisse de la demande mondiale. Les problèmes de pollution en Chine ont obligé les Chinois à prendre des vraies décisions. Le boom de la voiture électrique en Chine, il est réel. Donc, tout ça est intéressant parce que cette explosion du pétrole de schiste, quelque part, a été aussi une sorte de déclencheur. C'est-à-dire que ce marché qui fonctionnait un peu encore dans l'ancien monde, aujourd'hui, des cartes sont redistribuées et on se dit peut-être que les problèmes vont être un excédent de l'offre. Alors, il reste toujours, et c'est ce qu'on est en train de vivre, les tensions géopolitiques. La reprise des sanctions en Iran, il est vraisemblable que on va encore assister à une forte montée des cours. Et là, on va sans doute assister à des moments où le cours du pétrole va remonter. Mais la tendance sur du long terme, c'est pas vraiment celle-là. La tendance sur du long terme, c'est que les États-Unis sont devenus aujourd'hui les premiers producteurs de pétrole du monde, devant l'Arabie Saoudite et devant la Russie. Et ça, c'est un impact énorme. Ça veut dire que les États-Unis, qui étaient encore, il n'y a pas si longtemps, des importateurs nets de pétrole, sont venus brouiller les cartes, quand même. Et en fait, on comprend aujourd'hui que on allait sans doute avoir à gérer un pétrole qui resterait sans doute dans les sous-sols, et que la problématique climatique allait être suffisamment présente pour que, effectivement, cette demande mondiale, elle finisse par baisser. Ouais. Hey, Susie, want to use your new makeup for your date tonight? Nope, can't use that. Or that. In fact, take a close look around your home. We depend on petroleum for the upholstery, curtains, speakers, cabinets, pillows, candles, carpeting, and the list goes on and on and on. And for many, when it comes to such items, I think with the development of the technology for fracturing, avec le développement de la technologie de la fracturation et la possibilité de l'utiliser, je pense qu'ici, dans le bassin permien, nous étions probablement prêts avant toute autre région. Nous avons dans certains endroits plus de 20 couches superposées les unes sur les autres. Cette ressource ici est énorme. Imaginez que la taille du bassin permien, c'est aussi grand que l'État d'Alabama. C'est aussi grand que ça. Alors il n'y a pas que l'Ermitage dans la vie, ni même que la Tate Gallery ou, que dirais-je, le Louvre. Il y a également, dans le monde, un musée du pétrole. Vous êtes allé le visiter, Jean Crépu. Pourriez-vous nous raconter un peu ce que l'on peut y voir dans ce musée du pétrole? Alors, il faut aller à Midland. Alors, c'est ville qui s'est métamorphosée, petite ville qui s'est métamorphosée. Oui, ville natale de George Bush, pour l'anecdote. Alors, il faut aller à Midland. C'est une promesse. C'est pas là. Il y a des heures de voiture depuis Dallas. Il y a des avions, mais et Midland qui est perdu au milieu du désert texan là. Qui se mérite donc. Ah oui. Oui, sans aucun doute. Hein. Il y a les cours du pétrole dans la rue, en grand, qui s'affichent là. Voilà, on est là au cœur même du pétrole américain, quoi. Et ce musée, qui est assez étonnant, hein, qui relate à la fois l'histoire du pétrole dans le bassin de Permian, donc dans cet endroit. Et puis il y a des choses très étonnantes. Hein. Il y a cette petite vidéo qu'on retrouve dans le film où est désigné tout ce qui dans notre environnement quotidien est fait avec du pétrole. Bah, ce dont quoi vous parlez en ce moment, je vous signale que ça contient aussi du pétrole. Hein. Tout à fait. Mais là, on est entouré de pétrole. Hein, parce que on parle toujours du pétrole pour le transport. Mais le pétrole pour la pétrochimie est énorme. Hein, donc, alors ce musée, oui, je conseille à tout le monde de faire un saut à Midland pour aller dans ce musée qui est très bien fait d'ailleurs. Hein. Vous en connaissiez l'existence? Pas du tout. Avant. Ah oui, vous l'avez découvert sur place? Pas du tout. Alors c'est Alexandre Andlauer qui connaît très bien cette région. Avec qui on était là-bas. Donc, pour rappel, c'est l'analyste qui a... Voilà, celui qui avait... parce que lui, il était là-bas. Il a vu ce boom. C'était vraiment une ruée vers l'or noir, quoi. Et donc, lui, il connaissait bien tout ça. Il a bien vu qu'il se passait quelque chose et que... Au moment où on s'intéresse de plus en plus au pétrole de schiste. Pour rappel, et oui, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission d'hier. Donc, c'est énorme, hein. Alors, restons encore côté américain, avant de franchir l'Atlantique et d'aller s'intéresser à d'autres points de vue. Puisque vous êtes allé filmer aux États-Unis et que vous en avez rencontré quelques-uns, est-ce que, pas un instant, avec vos interlocuteurs, il n'est question, pardon pour le gros mot, mais du réchauffement climatique, ou bien est-ce que c'est abordé en off, puis ils disent « je préfère pas m'exprimer publiquement devant la caméra ». Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une... on regarde pas et puis on s'occupe avant tout de ce qu'on sait faire? Alors là, je crois qu'effectivement, on touche du doigt au Texas, le gap, on va dire, entre la préoccupation climatique et le quotidien des Texans de Midland. C'est-à-dire que... Chacun moi, ses priorités. Donc. Les voitures, la petite voiture n'existe pas, c'est 4x4 énorme, on coupe pas le moteur, jamais. Non, la préoccupation climatique. Non, il faut se rappeler que les Texans ont une formule. Le pétrole est un don de Dieu, et donc il faut le ramasser. Il faut. Ouais, c'est difficilement contestable. Et puis, je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce que l'espace joue son rôle? Tout à fait. Les débats qu'il y a eu en France sur est-ce qu'on exploite ou pas le gaz de schiste en Île-de-France où il y avait, semble-t-il, des réserves assez importantes. Comment on va faire d'un point de vue des infrastructures? L'Île-de-France est une région tout à fait urbanisée et on voit pas... Archi-recroquevillée. Au Texas, c'est bien évidemment l'inverse. C'est des étendues gigantesques, mais vraiment gigantesques. Donc on voit des puits de pétrole ici ou là, c'est évidemment pas du tout la même configuration. Par contre, après avoir discuté avec un certain nombre de gens, de Texans impliqués dans la production de pétrole de schiste, les craintes, elles sont moins du côté de la pollution des sols, on dit, ils partent toujours du principe que technologiquement ils vont trouver des solutions pour amoindrir tout ça. Non, il y a un risque qui n'est pas minimisé, qui est le risque sismique. Parce que à force de fracturer de la roche, on peut s'imaginer que ça puisse avoir à un moment des conséquences dans le sous-sol. Mais surtout si en plus de ça, ils se tournent toujours vers Dieu pour expliquer le pourquoi du comment. Donc, mais on est loin encore d'une préoccupation environnementale à Midland et sa région quand même. Jean Crépy, on va traverser l'Atlantique, donc on se quitte un moment et puis on se retrouve de l'autre côté de l'eau. La crise pétrolière a recomposé le paysage géopolitique et les renversements d'alliances sont spectaculaires. En 1945, le pétrole avait fait se rencontrer le roi Ibn Saoud et le président Roosevelt. Cette fois, le roi Salman d'Arabie Saoudite se déplace en personne pour rencontrer le président Poutine. Installé en face du Kremlin, Rosneft, le géant russe du pétrole, est pris entre les intérêts de la compagnie et ceux de l'État. La compagnie Rosneft n'a pas d'autre choix que de réduire sa production. C'est clair qu'on travaille donc sur l'idée qu'on va en effet faire les cuts, si tout le monde les fait, et si on voit le résultat dans le prix. Est-ce qu'on a une stabilité aujourd'hui du marché ? Je dirais non. Est-ce que tout le monde pense que le marché va être stabile, qu'on va pas voir de la volatilité en 2018? Ben non. Et c'est clair, il y a des soupçons dans le marché. Nous sommes en compagnie de Jean Crépy pour évoquer son nouveau documentaire « Coup de poker sur le brut » que vous pourrez voir dimanche soir sur RTS2. On a, grâce à Jean Crépy, pu connaître un petit peu l'évolution de la production du pétrole côté américain. Les Américains souhaitant avant tout devenir, et bien avant l'élection de Donald Trump, autosuffisants dans le domaine. Maintenant, on va s'intéresser à d'autres points de vue. Alors, dans l'ordre que vous voulez, il y a évidemment la Russie, mais il y a également un acteur moins connu et tout à fait passionnant, qui est la Norvège. Alors, on commence par lequel ? Russie, Norvège ? Alors, la Russie, c'est très intéressant ce qui s'est passé, parce que la Russie, qui n'était pas membre de l'OPEP, qui a toujours été à l'écart de tout ça, la Russie, ils ont subi de plein fouet la chute des cours. En 2014, 2015, 2016, au moment où le cours du brut s'effondre, ça pose des vrais problèmes budgétaires pour la Russie. Et donc, eux aussi se sont retrouvés un peu au pied du mur. Et le rapprochement étonnant saoudien-Russie... Il a lieu quand, d'ailleurs, ce rapprochement? Il a lieu pendant cette période. 2015-2016. Parce que précisément, les Américains se sont... Et oui, les Américains se retirent. Et du coup, les Saoudiens et l'OPEP décidant... Bon, bah, OK, les Américains, visiblement, ils continuent à extraire. Donc, on va fermer les vannes pour faire en sorte que le cours remonte. C'est pas suffisant, tellement les Américains produisent. Donc, on va sonner à la porte des Russes en disant « Vous voulez pas... est-ce que vous aussi, vous avez des problèmes budgétaires ?» Il faut se rappeler que même les Saoudiens ont des problèmes budgétaires à ce moment-là. Il y a des chantiers qui s'arrêtent. Parce que les rentrées... parce que les rentrées, on passe de $110 le baril à 30. Il y a quand même une guerre à financer au Yémen. Bon, c'est pas tout rose non plus pour les Saoudiens. Les Russes non plus. Donc, il y a un rapprochement un peu bizarre. Parce que sur le terrain de la guerre en Syrie et en Irak, les Russes et les Saoudiens sont pas tout à fait du même côté. La Russie est proche des Iraniens. Les Iraniens sont les ennemis des Saoudiens. Mais tout ça se retrouve à Vienne. Et on arrive parfaitement à se mettre d'accord. Le pragmatisme l'emportant, comme dit l'un de vos interlocuteurs. Tout à fait. Il y a un expert russe qui dit c'est quand même étonnant que ces gens-là, qui sont des ennemis héréditaires... Ils s'en amusent, d'ailleurs. Ils s'en amusent, parce que c'est vrai que c'est quand même étonnant. Et donc, voilà en quoi ça a redistribué les cartes aussi. Et les Russes, aujourd'hui, ils sont... toujours pas membre de l'OPEP, mais enfin, il y a quand même eu la création de ce qu'on a appelé un OPEP plus, et les Russes en font partie. Donc, la politique énergétique russe, ils ont eux aussi du pétrole de schiste, d'ailleurs, que pour l'instant, ils n'exploitent pas. Le marché, maintenant, il est réparti entre trois grands acteurs incontournables, que sont les Russes, les Saoudiens et les Américains. Les Américains produisent pour eux-mêmes, on l'a bien compris, mais ce sont des gros vendeurs, donc. Alors, maintenant, ils exportent, et notamment dans les pays asiatiques. Il y a des exportations en Chine, et donc, c'est un intérêt pour les États-Unis, parce que ça contrebalance un petit peu le déficit commercial avec la Chine. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais aujourd'hui, les Américains exportent du pétrole, notamment en Asie. Pour l'anecdote, il y a eu... quand les Américains sont redevenus des exportateurs de pétrole, ça avait été voté au Sénat, hein, parce qu'il y avait une interdiction d'exporter du pétrole aux États-Unis jusqu'en 2015, au moment où ils ont décidé de se remettre sur le marché, ce qu'ils étaient dans les années 70. Et là, cette reprise des exportations américaines, forcément, ça a un impact sur le marché. Les Russes, qui se sont beaucoup tournés vers les Chinois pour vendre leur pétrole, ils se retrouvent en concurrence avec des Américains qui eux aussi sont sur ce marché. We are pursuing American energy dominance and by the end of this year we will be totally self-sufficient. We will be major exporters of energy. We will take in massive amounts of money. We will start paying off our $20 trillion in debt. On a tendance à faire porter le plus souvent possible le chapeau à Donald Trump, et pour cause, mais néanmoins cette transformation, cette tendance de l'Amérique à être dans l'autosuffisance, de faire d'elle-même une Amérique plus grande, selon la formule trumpienne, finalement elle est largement antérieure à Donald Trump. Et on se rend compte que l'éditorial politique, d'une certaine manière, n'existe que parce que le baromètre économique a été fixé. Tout à fait. C'est pour ça que je suis remonté jusqu'au début des années 2000, parce que là, va se jouer une autre partie. Et les Américains considèrent que c'est désormais un risque d'être aussi dépendant du pétrole du Moyen-Orient, ce qui n'était pas le cas avant. Alors évidemment, avec cette rhétorique-là, la Russie, qui d'une certaine manière n'était pas tout à fait dans le jeu, s'y invite. Quel rôle joue-t-elle? Elle joue un rôle de facilitateur, de modérateur. Elle doit aussi venir avec sa propre carte de pays exploitant. Alors, je pense, c'est complexe ce qui se joue, parce qu'il y a ce qui se joue sur le marché pétrolier, et là, il y a un certain pragmatisme qui se peut, on l'a bien vu. Et les Russes n'avaient pas beaucoup le choix que de se ranger aux côtés de l'OPEP. Et l'OPEP avait pas beaucoup le choix non plus Donc, qui a facilité ou... Bon, c'est, je crois que chacun pouvait y trouver son compte. Et après, il y a ce qui se joue d'un point de vue géopolitique. C'est étonnant quand même ce clin d'œil de l'histoire où le roi d'Arabie Saoudite est venu en personne rencontrer Poutine. Vous nous donnez les images d'ailleurs dans le documentaire. Stupéfiant, ça. Et là, on voit bien. On est post-Quincy. Le changement s'opérait. Ah oui, on est vraiment post-Quincy. Voilà. Ici, on se pose la question de savoir quelles ont été les conséquences de cette exploitation du pétrole de schiste. En voilà une. Et c'est pas rien. Il y a un changement, un bouleversement stratégique qui s'est opéré. Mais alors, au-delà des poignées de main, de l'agrégat, ça se traduit comment, après? C'est-à-dire qu'on a affaire à un bloc OPEP+, concurrentiel direct du gros producteur que sont devenus désormais les États-Unis? Oui, on voit bien, là, ce qui est en train de se passer. Là, compte tenu des baisses de production du Venezuela, compte tenu de la situation iranienne avec le retour des sanctions, on voit bien que ça y est, l'OPEP a augmenté sa production, et les Russes, pareil. Donc, jusqu'à maintenant, cette OPEP plus fonctionne. C'est-à-dire que les Saoudiens ont besoin des Russes, les Russes ont besoin des Saoudiens, et pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Et les Américains, eux, vont jouer leur carte. Voilà, il y avait des tentatives c'était assez amusant. Les Saoudiens voulaient rencontrer les producteurs de pétrole de schiste pour voir si, quand même, on pourrait pas s'entendre et tout ça. Ce qui est un non-sens absolu quand on connaît, aux États-Unis, il y a des petits producteurs, des moyens, des gros, ils sont pas du tout, il y a pas de cartel, il y a pas de, je sais pas qui ils allaient rencontrer, mais, c'est pour dire aussi, c'est pas syndicalisé du tout. Ben oui, c'était voué à, ils comprenaient pas bien. Qu'est-ce que fait-il au Texas? Jean Capu, puisque vous aviez l'œil tous les matins pendant des années sur ces questions-là, est-ce que, pour faire un peu de prospective, quels seraient, à votre avis, les signes à comprendre d'une évolution et éventuellement, du côté de l'OPEP+, d'un agrégat qui se désagrège? Là, pour le coup, tous les experts sont d'accord pour dire que c'est très imprévisible ce qui va se passer. Les risques géopolitiques sont là. Le retour des sanctions contre l'Iran va avoir un impact. On va en savoir plus long en novembre, puisque... Ça fait partie du dossier pour la compréhension, d'une certaine manière, que les États-Unis s'appuient tellement pour faire opposition à l'Iran, en sachant que l'Iran fait partie d'OPEP+, et que c'est un moyen indirect. La stratégie de Trump dans cette affaire est parfois difficilement lisible. En ce moment, même pareil, par lui. Même, oui. ces derniers mois, Trump désignait du doigt l'OPEP comme les responsables de la montée des cours, les magouilles de l'OPEP, je crois qu'il avait employé ce mot-là, pour faire grimper les cours. Et donc, il ne voulait pas de coup, parce que les Américains n'aiment pas beaucoup que le prix de l'essence à la pompe augmente. Et donc, Trump, actuellement, n'a pas intérêt à ce que les cours montent trop. Là, ils sont actuellement aux alentours de $80 le baril. Il semblerait que c'est la limite de ce que peut accepter Donald Trump. Et on note que les Saoudiens respecte ça, visiblement. C'est ce qui se dit, là, sur le marché. Par contre... Curieux équilibre. Alors, c'est intéressant de voir... les Saoudiens respectent ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore des liens entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Même ténus. Une fois de plus, la guerre menée au Yémen, elle se fait avec de l'armement américain. Donc les Saoudiens ont encore une relation de dépendance quand même à l'égard des États-Unis. Donc pour l'instant, ça se joue là-dessus. Les Russes, eux, ils ont plutôt intérêt à ce que le cours du baril soit assez fort. Les problèmes budgétaires qu'ils ont pu connaître et tout ça, ils n'ont pas très envie de voir le baril s'effondrer. Donc voilà, tout ça est très pragmatique. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Visiblement, après, je pense, les élections de mi-mandat, en novembre, je pense, il est possible que Trump n'ait plus rien à faire de tout ça, et il est possible que le prix du baril augmente considérablement. Si effectivement il y a un manque à combler iranien, vénézuélien, alors en même temps les marchés s'accordent pour dire que la guerre commerciale entre les États-Unis et les Chinois impacte aussi sur la demande mondiale. Enfin, voilà, c'est très imprévisible. Par contre, là où les observateurs s'accordent, la tendance à long terme, elle est plutôt dans une baisse de la demande. Ça, c'est sûr. La compagnie norvégienne va investir 200 millions de dollars dans les énergies renouvelables d'ici 2022. Statoil a notamment développé au large de l'Écosse la première ferme éolienne flottante du monde, reliée à un système de stockage par batterie. La Norvège a mis en place d'importantes interventions pour réduire les émissions de CO2. Le plateau norvégien produit aujourd'hui de façon très écologique. Je ne crois pas qu'un autre pays soit aussi bon que nous à ce niveau-là. Jean Crépu, nous conclurons cet entretien avec un petit chapitre quand même à accorder à ce petit pays. Tout à fait passionnant, la Norvège, peut-être en quelques mots, présenter ce cas-là. Oui, alors ça c'est intéressant parce que c'est un pays plus proche de nous, sur le continent européen, gros producteur de pétrole, plus gros producteur de pétrole en Europe, qui a, je dirais, construit... pays riche aujourd'hui. Ils ont joué l'écureuil. Ah oui, la Norvège a soigneusement... économiser ses revenus du pétrole, ce qui a permis de financer les retraites, les hôpitaux, les écoles. Ils en sont très fiers. C'est le fonds le plus important du monde, dit le documentaire. C'est le fonds le plus riche du monde. Oui, ça a dû vous surprendre quand même. Ils sont très discrets, les Norvégiens, ils n'ont pas besoin de... Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que eux aussi ont vécu cette crise. Le cours du baril a impacté. Ça leur a posé des vraies questions. Mais là, ce qui est intéressant, c'est quels enseignements en ont-ils tiré? Et ce fameux fonds qui a pour vocation de gérer les revenus provenant du pétrole, tout ça géré par la Banque centrale norvégienne, soumis au Parlement, c'est tout ça. Ils se sont interrogés pour savoir... où placer cet argent provenant de leur revenu du pétrole? Ils le plaçaient dans ce qu'ils considéraient être les placements les plus intéressants, y compris donc dans l'industrie pétrolière. Et là, et ça je trouve c'est intéressant, c'est symptomatique d'un changement de monde, ils estiment aujourd'hui ce fonds, dont on considère qu'il y a les plus grands économistes, c'est des gens très pointus, ils estiment aujourd'hui que les placements venant de l'industrie pétrolière sont aujourd'hui des placements à risque. C'est intéressant parce que là, c'est pas le gars de Greenpeace qui dit ça. C'est les économistes du fonds qui considèrent qu'aujourd'hui, placer l'argent dans l'industrie pétrolière, c'est devenu compliqué. Voilà, et ça a même donné d'ailleurs le thème d'une série... fiction diffusée par la RTS et puis également par Arte, puis il y a un grand nombre de chaînes, à savoir la série Occupied, comme quoi réalité et fiction. Absolument. Nous en parlions juste avant l'ouverture de cet entretien. Ce micro, Jean Crépu, sont bien souvent et le plus fréquemment mêlés. Jean Crépu, je rappelle le titre de votre documentaire, ça s'intitule Coup de poker sur le brut, et c'est à voir dimanche soir sur RTS2. Merci de votre visite, revenez-nous vite. Merci à vous.